Le dimanche, Eugène était de bonne heure sur la plateforme de l'église. Fanny arriva également avant l'heure du service divin. Elle était avec sa mère. Eugène s'approcha d'elle pour les saluer, mais au même moment, Madame Gautreau fut abordée par des femmes de sa connaissance qui l'emmenèrent dans un coin de la terrasse pour lui parler bas. Fanny restait seule auprès d'Eugène et lui dit « Monsieur Milbert, j'ai peut-être été bien familière avec vous, mais vous ne vous en étonnerez pas quand je vous aurai dit que je vous connais depuis longtemps, que le hasard m'a fait connaître toute votre histoire et qu'une certaine conformité entre vos chagrins et les miens m'a toujours inspiré de l'intérêt pour un jeune homme que, selon toutes les probabilités, je devais ne revoir jamais. Je vous ai revu, vous avec qui je n'avais jamais causé de choses plus intéressantes que des chances de beau temps et de pluie pour le lendemain. Je vous ai revu comme un ancien ami. D'ailleurs, notre rencontre à Lausanne a eu lieu à une époque où j'étais bien heureuse. « Et quoi, mademoiselle ? » reprit Milbert. « Cette gaieté qui vous rendait si charmante hier au soir ?» Pendant l'office, Milbert regarda beaucoup Fanny, mais sans rencontrer une seule fois ses regards. Seulement, lorsqu'on dit le psaume « Jubilate Deo », « Vous tous, habitants de la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel !» Elle leva les yeux au ciel, et deux grosses larmes tombèrent sous le livre qu'elle tenait à la main. « Hélas, pensait-elle, de quoi ai-je à remercier Dieu ?» Le lendemain, on alla pêcher à la ligne dans le lac. Eugène fut invité au dîner, qui se composait en partie de la pêche commune. Après le dîner, on alla promener sur la terrasse de l'église. Là, il parla encore à Fanny de leur rencontre au signal de Lausanne. « J'y suis retourné bien des fois depuis votre départ, » lui dit-il. « Monsieur Milbert, » dit-elle, « je cause avec vous comme peut-être je ne le devrais pas faire. Mais tous les gens qui m'entourent sont si heureux que je ne me sens de confiance pour aucun. Vous, vous êtes livré sans appui à toutes les chances de la vie. Moi, on me fait d'un seul bond passer par-dessous toutes les rêveries et toutes les joies de la jeunesse. On me marie un homme plus âgé que mon père. « Vous ?» s'écria Milbert. « Dans 4 mois, » dit-elle. Ils restèrent tous deux silencieux. « Où allez-vous » dit-elle un peu après. « Et que comptez-vous faire ?»« J'allais à Genève pour occuper une petite place. Mes parents ne m'ont donné d'autre profession que d'attendre l'héritage de mon oncle, et je vous assure que c'est une triste chose. Je prierai quelquefois pour vous. Pour moi, on ne peut même pas prier pour moi, car ma vie est fixée et renfermée dans d'étroites limites. J'ai tiré mon billet, et il est noir. Que le ciel vous en réserve un meilleur. « Mais ce mariage est-il donc parfaitement décidé? Le contrat est fait et signé. Ainsi donc, je ne vous reverrai plus. Au contraire, il y a des raisons qui nous feront nous rencontrer. Votre futur mari habite-t-il donc Genève ?» Fanny le regarda avec l'air d'un grand étonnement et ne lui répondit pas. On rentra à la maison. Eugène salua la famille Gautreau et rentra à son auberge. Le lendemain, il fit une visite pour ses adieux et demanda si l'on avait des commissions pour Genève. Il partait le surlendemain. On le retint à dîner, puis on fit de la musique. Fanny chanta, tandis que sa mère l'accompagnait sur le piano. « Quel air ravissant !» dit Milbert. « Comme il berce doucement l'âme, comme il l'assoupit dans une riante rêverie. Jouez-le donc encore une fois, que je le retienne. » Madame Gautreau et Fanny recommencèrent. Milbert essaya à son tour, mais ce n'était pas cela. On recommença encore. Fanny était debout derrière le fauteuil de sa mère et à sa droite. Milbert était dans la même position, mais de l'autre côté. Il redit cette chanson allemande dont le sens est « Toutes les magnificences de la nature, le silence imposant de la nuit, les odeurs des fleurs, les rayons pâles de la lune à travers les panaches verts des arbres, les étoiles, fleurs de feu semées dans le ciel, les lucioles, fleurs de feu semées dans l'herbe, tout cela a été créé pour rendre le monde digne de l'homme au moment où, pour la première fois, il dit à une femme « Je t'aime ». Mot formé d'un céleste parfum de l'âme qui s'exhale et monte au ciel avec les parfums des fleurs, moment le seul dans sa vie où il est roi, où il est Dieu, moment qu'il paye et expie par toute une existence de regrets amers. Ce moment, c'est le prix de toutes nos misères. Fanny avait chanté avec une expression de douce tristesse. Eugène répéta le couplet avec enthousiasme. Leurs yeux se rencontrèrent et se donnèrent un long baiser d'âme. Leurs mains, posées sur le dossier du fauteuil de Madame Gautreau, s'étreignirent convulsivement. La servante apporta de la lumière, et il leur sembla que leur temple d'ombre et de mystère se dissipait. Milbert se retira de bonne heure et passa la nuit à écrire à Mademoiselle Gautreau. Il lui avouait son amour. Le lendemain, il voulut lui glisser son épître, mais elle lui dit « Qu'on vous croie parti et revenez à minuit sous la fenêtre du jardin. » Il fit ses adieux, retourna à son auberge et s'enferma dans sa chambre jusqu'à minuit, la tête tellement remplie de pensées diverses et contradictoires qu'elle ne faisait dans sa tête qu'un tumulte confus qui ne lui permettait d'en suivre aucune. À minuit, il était sous la fenêtre du jardin qui ne tarda pas à s'ouvrir. « Est-ce vous ?» lui dit Fanny d'une voix tremblante. « Oui. Eh bien, écoutez-moi. »« Quoi, d'ici ? Et où donc ? Laissez-moi monter dans votre chambre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'entendais pas, parce qu'il pourrait passer quelqu'un, parce qu'on me verrait. » Et sans attendre de réponse, il s'élança après le balcon et entra dans la chambre de Fanny. Fanny fut quelques instants sans pouvoir parler. Milbert lui montra la lune qui se levait derrière les arbres et les étoiles qui brillaient au ciel et lui dit « Rappelez-vous la chanson. Tout cela est écrit pour rendre le monde digne de l'homme au moment où, pour la première fois, il dit à une femme « Je t'aime ». Ce moment, c'est le prix de toutes nos misères. Fanny, je vous aime. » « Et moi aussi, Eugène, » dit-elle, « je vous aime il y a bien longtemps. Et quand, ces jours derniers, vous me rappeliez vos rencontres à la maison de Forestier, j'en retrouvais dans mon cœur jusqu'aux moindres circonstances. » « Et moi, » dit Eugène, « depuis ce temps-là, je n'ai pu séparer votre souvenir d'aucune de mes pensées. Il était au fond de toutes mes actions, et bien souvent à mon insu. C'est depuis que je vous aime que j'ai senti tout ce que pesait le joug des bienfaits de mon oncle, que j'ai rêvé la liberté et l'indépendance. » Votre premier regard a fait éclore en mon âme la fierté et le courage et toutes les nobles passions. Tant mieux si vous avez du courage, car nous en aurons besoin. Oh, Fanny, aimez-vous, je ne connais rien d'impossible. Toutes les difficultés qui m'effrayaient à mon entrée dans la vie ne me paraissent maintenant que pour me préparer des triomphes. Oh, mon Dieu, dit Fanny en levant ses beaux yeux au ciel, pardonnez-moi et secourez-moi. Le ciel me protège puisqu'il m'a fait vous rencontrer. Et moi aussi, je me sens du courage. D'abord, ce mariage contre lequel je n'avais jusqu'ici que des larmes cachées et de la résignation, il n'aura pas lieu. Je saurai dire non, même au pied de l'autel. Et moi, je vais retourner à Lausanne. Je vais me jeter aux genoux de mon oncle. De votre oncle. Il a promis à mon père mourant. Mais insensé! Ne savez-vous donc pas que c'est votre oncle que je dois épouser? Mon oncle? Lui-même? On ne m'en a rien dit. Voilà pourquoi on m'éloignait de Lausanne. Et voilà une des causes pour lesquelles je m'intéressais à vous, pour lesquelles je vous aimais, pauvre enfant. Mon père avait exigé de votre oncle qu'il me reconnût, dans le contrat, des avantages qui vous déshériteraient plus d'à moitié. J'aurais été pour vous un objet de haine, vous dont je serais si heureuse de faire le bonheur, que je ne sais pas si je puis avoir d'autre bonheur que le vôtre. D'abord, je n'ai pensé qu'à obtenir votre amitié, à vous faire comprendre combien c'était contre mon gré que je vous faisais du tort, qu'à ne pas vous laisser croire que j'avais un bonheur fait de votre malheur. « Mon oncle !» murmurait Milbert, atterré. « Mais que faire alors ? Nous y penserons. Pour moi, je vous promets que je ne l'épouserai pas et que je me garderai pour vous. Il est tard, il faut nous séparer. Quittez votre auberge dès le jour et allez vous cacher dans quelques maisons sur la route. Vous reviendrez la nuit prochaine à la même heure. Je n'ai pas besoin de vous dire de penser à moi, n'est-ce pas ? Pensez à nous, songeons à ce que nous avons à faire. Nous connaissons notre but, convenons du chemin qui doit nous y conduire, et ensuite marchons sans regarder derrière nous. Adieu. » La nuit suivante, Mademoiselle Gautreau et Eugène Milbert agitèrent 100 projets différents, dont aucun ne fut adopté. Il n'y a qu'un point sur lequel ils n'hésitèrent pas, c'est qu'ils s'aimaient, qu'ils ne pourraient vivre l'un sans l'autre, qu'il fallait qu'ils fussent unis, et que rien ne leur coûterait pour arriver à ce but. « Je n'épouserai pas votre oncle, » disait Fanny. « Depuis que je me suis avouée à moi-même, et que je vous ai dit que je vous aime, j'ai trouvé les raisons de cette répugnance si forte que j'avais pour ce mariage, sans en pouvoir dire les causes. On dit qu'il y a de malheureuses femmes qui se vendent pour avoir du pain. On n'a pour elles que des paroles de mépris. » Comment alors appellera-t-on toutes ces femmes que le monde honore et qui se vendent, non pas pour avoir du pain, mais pour avoir un plat de plus sur une table déjà somptueuse, non pour avoir des habits, mais pour se faire donner des diamants ? Milbert revint le lendemain, puis encore le jour suivant, puis ce fut une habitude. Fanny ne lui disait plus « Venez », et il ne disait plus « Je viendrai ». mais elle ouvrait sa fenêtre à minuit, et Milbert montait au balcon et restait près d'elle jusqu'aux premières lueurs du crépuscule à parler de leur amour et de leurs projets. Une nuit, ils entendirent un bruit de pas du côté du jardin, comme Milbert venait d'entrer. Il se hâta de souffler la veilleuse qui éclairait faiblement d'ordinaire la chambre de Fanny. La personne qu'ils avaient entendue passa, et Fanny, dans l'ombre, fut obligée de tendre la main à Milbert pour le guider près d'un fauteuil. Il ne quitta plus cette main. Ils restèrent sans parler. On aurait entendu le battement de leur cœur. Fanny laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Leurs cheveux se touchèrent, et tous deux frissonnèrent d'une commotion électrique. Et tout le reste de la nuit, on n'eut entendu que des soupirs, des gémissements, des paroles entrecoupées. À peine les étoiles commencèrent à s'éteindre que Fanny dit à son amant « Mon bien-aimé, je suis à vous. Cela me donne bien des droits. Vous ferez ce que je vais vous dire. Vous allez quitter dès aujourd'hui votre retraite et aller à Genève pour occuper cette place qui vous est offerte. Vous avez 22 ans, je n'en ai que 18. J'attendrai que, par votre travail, vous vous soyez mis en mesure de me demander à mes parents. Je vous attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Cependant, nous ne devons pas perdre un seul jour qui puisse être employé pour notre réunion. Vous n'entrerez plus dans cette chambre que comme mon époux aux yeux des hommes, ainsi que vous l'êtes aujourd'hui devant Dieu. Allez, ne comptez pas sur votre oncle, qui peut vivre 20 ans encore, ou vous déshériter, ou se ruiner. Je vous écrirai quand je le pourrai, pour vous dire que je vous aime, que je vous attends, que je me garde pour vous, afin de vous donner du courage dans les jours difficiles. Adieu, mon bien-aimé, mon mari, adieu. » Eugène parlait de revenir encore une fois avant de quitter Montreux. Il supplia. Fanny fut inflexible. Il lui donna, pour lui écrire, l'adresse de Félix Duport et, le lendemain matin, il arriva à Genève. Il descendit chez Félix Duport et là, après un examen attentif fait par les deux amis, il fut décidé que l'habit gris, qui à Montreux avait été préféré à l'habit bleu, lui était devenu tout à fait inférieur. Par suite des corvées de nuit qu'avait faites le dit habit gris en montant et en descendant par les fenêtres pendant les derniers jours passés à Montreux. On mit donc l'habit bleu pour aller chez M. Saunders. La place promise à M. Éloi Milbert pour son neveu était occupée. M. Saunders avait attendu patiemment pendant 15 jours, mais il lui avait été impossible d'accorder un plus long délai. Il avait écrit à Lausanne, et l'oncle Éloi lui avait répondu qu'il ne savait pas ce qu'était devenu son neveu, qu'il le remerciait beaucoup d'avoir attendu si longtemps, qu'il le suppliait de lui donner des nouvelles du dit neveu aussitôt qu'il le verrait. Car on doit finir par arriver de Lausanne à Genève, quelque industrie que l'on ait pour allonger les chemins. Il ajouta à cette prière celle de ne pas parler à Eugène de la sollicitude de son oncle. Eugène Milbert, comme il se l'avouait parfois lui-même, s'exagérait de beaucoup les sévérités de son oncle. Éloi Milbert, à 50 ans, se croyait encore un jeune homme. Cela explique le peu d'importance qu'il pouvait accorder à un jeune garçon de 22 ans qui lui semblait un enfant. Eugène, de son côté, s'accordait trop libéralement cette importance qui lui était refusée, se considérait comme un homme mûr et trouvait son oncle décrépit. L'oncle, ancien ami de M. Gautreau, avait obtenu la main de sa fille. M. Gautreau avait été séduit par les avantages d'argent que cette union apporterait à Fanny. Les parents, et je parle des plus tendres, quand il s'agit du bonheur de leurs enfants, leur imposent de la meilleure foi du monde ce qui ferait leur bonheur à eux-mêmes, sans essayer même de se rappeler ce qu'ils auraient fait quand ils avaient l'âge, les illusions et les passions qu'ils n'ont plus. Éloi Milbert ne voyait pas sans quelques remords que, par son mariage, il enlevait à son neveu une grande partie de l'héritage sur lequel il devait compter. Il ne voulait pas l'avoir pour témoin de ce qu'on pouvait, à la rigueur, appeler une folie. Il pensait tout concilier en lui donnant les moyens de se faire un avenir, en lui faisant apprendre le commerce et en lui donnant plus tard un petit capital quand il aurait acquis les connaissances nécessaires pour le faire prospérer. D'ailleurs, ne pouvait-il pas arriver qu'il eût un enfant? Et alors il fallait au moins qu'Eugène eût un état qui ne lui permît pas de tomber dans le besoin. En attendant, il ne fallait plus le bercer dans l'habitude de l'aisance et dans l'espoir d'un héritage qui allait lui échapper. M. Saunders lui promit de tâcher de lui procurer de l'occupation. Eugène sortira triste et embarrassé. Il ne voulait pas avoir recours à son oncle au moment où il venait de lui enlever sa future femme. Il vendit sa montre, loua une mansarde, paya d'avance un loyer de 15 jours et passa ses journées, en attendant une place, à écrire à Fanny de longues lettres qu'il n'avait aucun moyen de lui faire parvenir.